s'oublierait. Le bonheur tu le connais pas, tu sais même pas où il est. T'as tes pensées suicidaires, oublie pas, y'a que les faibles qui s'ouvrent les veines. Tu cours après l'argent, t'attends pas que les sous ils viennent. Ici pour rien, on déclare l'arcade sourcilière. Avec l'artiste, ouais, tu m'as tes soucidières. Suffit d'une balance pour finir dans la souricière. Tu fais genre que tout va bien, pourquoi c'est rare qu'ils sourient de l'air. Si t'y croyais, mais un soir t'es plus baissé pareil. Laisse les buts parler, t'as un fils, c'est plus pareil. Pensais que t'avais des frères, garde ces BD parle sur toi. Mais les chances font côté la vérité, t'es pas sur toi. Si c'était à refaire, t'écouterais tes parents plutôt. T'as pris des coups, mais ce qui tue pas rend plus fort. Le rap nique sa mère, t'es pas là pour plaire. Dans ta tête, c'est la guerre, t'es prêt à tout perdre. Pour toi, faire des sons lourds, c'est ordinaire. T'as jamais eu besoin de personne, t'es comme un loup solitaire. Si tu changes pas pour toi, fais-le pour ton fils. Tu rends tellement pété que tu baisses la tête dans la daronne de fils. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, t'es plus le même. Parle sur toi, on le sait déjà, ça toutes les putains. Tu traînes le soir, tu fais tes bails pendant que les parents stressent. Pense à te ranger, lâcher le rap entre parenthèses. La vie c'est des épreuves, à toi d'en tirer les leçons. Hypocrite, ouais, je t'avoue que pas mal de gens le sont. Ton street album, il est où? On l'attend toujours. La vie c'est comme un poker, c'est sur un coup que tous jouent. Et vas-y, jette ta prose de merde. Pourquoi t'écouterais les autres si t'écoutes pas ta propre mère? T'as du mal à te remettre, tu décès du père. T'as voulu marcher seul, au final tu t'es du père. Putain, sont marrants, les ancêtres font la morale. Donner des conseils disant qu'il rappe, y'a personne à leur concert. Façon des vrais, y'en a même pas sur trois. Comment compter sur les autres quand on peut pas compter sur toi? Lâche le rap, tu perds ton temps sur tes poèmes de merde. Au final, regarde où les problèmes te mènent. Ok, c'est mentir, dire que t'as rien commis de mal. Range la jack, pense à ce que tu laisses comme image. Regarde-toi, t'es toujours là à te plaindre. Et comment voir la vie en rose si tu sais pas la repeindre? La merde, tu t'es assis dans la voiture. Tu dois changer depuis que t'as perdu ta rose dans cet accident de voiture. Il est temps que tu bouges un peu, car le temps passe. Ça me tient à cœur de te le dire, fallait que je t'en parle. Un travail, c'est tout ce qui te reste à trouver. Y'a que la vérité qui blesse, j'espère que le texte t'a touché. Que le texte t'a touché. Ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. Ça te tient à cœur, ça te tient à cœur. Ça vous tient à cœur, ça nous tient à cœur. Ça me tient à cœur et c'est pour ça que j'en parle dans mes chansons. Qui fait guiver ma vision des choses. Ça te tient à cœur, ça te tient à cœur. Ça vous tient à cœur, ça nous tient à cœur. Ça me tient à cœur et c'est pour ça que j'en parle dans mes chansons. Qui fait guiver ma vision des choses.